Hey, Bank, réseau. Demain tout ira bien, tu verras. Check. Frérot, même si la tempête fait rage, je garde le cap même en presserrage. J'ai fait le tri des amis des lâches. Sur mes joues tu verras pas de larmes. J'ai préféré le stylo claque à lâche. Je veux que ma vie dans le futur s'apaise. Les années passées on prend de l'âge. Des fois tes propres amis te baisent. Mais demain tout ira bien. Tu verras, mais demain tout ira bien. Posé dans le Panamera, mais demain tout ira bien. Tu verras, mais demain tout ira bien. Posé dans le Panamera. Je fais le max pour que ma vie soit hors pair. Petit qu'a grandissant, mère sans père. Le ciel est gris et le tonnerre gronde. Pas très loin, y'a des bombes qui tombent. On m'a dit que demain serait meilleur. J'espère que l'ancien s'est pas trompé. On m'a dit que j'étais mauvais payeur. J'ai plus peur de me faire plomber. Mais faut qu'on leur dise que dehors c'est dur. Que la vie nous laisse des points de suture. Que demain sera doux d'après ce qu'ils nous ont dit. On s'anesthésie, on devient des zombies. Je compte plus les mois, les années qu'on m'a pris. Je suis resté solide, j'ai pas fait de caprices. Si le temps est maussade, le soleil vient après. Il en faudra plus pour que l'état me brise. Hey, j'ai vu le diable s'inviter à ma table. À la fin le plan de la vie est macabre. Tout ira bien, tout ira mieux. Je garde le cap, faut pas que je pète un câble. Me demande encore si ça en vaut la peine. L'entourage me dit que je cours à ma perte. Est-ce que l'amour prend le dessus sur la haine? J'ai rêvé que la terre était ronde et verte. Frérot, même si la tempête fait rage, je garde le cap même en presserrage. J'ai fait le tri des amis de lâche. Sur mes joues tu verras pas de larmes. J'ai préféré le stylo claque à lâche. Je veux que ma vie dans le futur s'apaise. Les années passées on prend de l'âge. Des fois tes propres amis te baissent. Demain tout ira bien. Tu verras, mais demain tout ira bien. Posé dans le Panamera, mais demain tout ira bien. Tu verras, mais demain tout ira bien. Posé dans le Panamera. Dans mon train de vie, je suis pris de vitesse. Si je les pète, je les pète en finesse. Demain tout ira mieux pour l'instant des stress. On se prend la tête pour quelques espèces. Hey, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Je me demande qu'est-ce qu'on fait. On tente le truc ou on laisse tomber. Mes refrains, qu'est-ce t'en sais. Si on tente le truc, ça peut vite monter. Demain tout ira mieux, mais demain c'est loin. À force de repousser, je dois compter les jours. J'ai pas le temps d'attendre, j'ai du poids dans les mains. J'en ai marre de tout ça, je veux parler d'amour. Mais comment leur dire qu'aujourd'hui ça va mal? Ils préfèrent se dire on verra bien demain. Moi ça m'est égal, mais je connais des gars qui pourraient faire des choses avec leurs deux mains. Mais ne font jamais rien. On verra demain si le monde est meilleur. Un lever de soleil de plus à mon sens. On verra demain si je suis de meilleure humeur. Faut garder espoir même si tout tombe à l'eau. J'attendrai des autres, mon propre bateau. Frérot, même si la tempête fait rage. Frérot, même si la tempête fait rage, je garde le cap même en presserrage. J'ai fait le tri des amis de lâche. Sur mes joues tu verras pas de larmes. J'ai préféré le stylo claque à lâche. Je veux que ma vie dans le futur s'apaise. Les années passées on prend de l'âge. Des fois tes propres amis te baisent. Demain tout ira bien. Tu verras, mais demain tout ira bien. Posé dans Panamera, mais demain tout ira bien. Tu verras, mais demain tout ira bien. Posé dans Panamera.